Murillo, par Félix Pial. Si vous lisez mon histoire, vous ne ferez pas faire votre portrait. Et si malgré mon histoire, vous faites faire votre portrait, il sera moins beau que vous. Il aura vos yeux moins grands et moins bleus, et votre peau moins blanche. Je vous jure que vous ne garderez point, en posant, la fantaisie coquette d'être plus belle en peinture qu'en réalité. Au contraire, vous tremblerez de la galanterie du peintre, vous interdirez toute flatterie au pinceau, vous craindrez qu'une adulation funeste fasse la copie mieux que l'original. Cette moralité s'adresse aux femmes qui se donnent en miniature à leur amant. Je ne sais plus en quelle année de Jésus-Christ, ni plus en quelle ville d'Espagne naquit Murillo. Vous saurez seulement qu'il devint un grand peintre et comment il devint un grand peintre. D'abord, il commença comme tout le monde commence ou finit par être amoureux. Amoureux comme on l'est à 20 ans, amoureux à la façon du chérubin de Beaumarchais. Cet amour-là s'allume dans les jeunes cœurs pour les femmes faites. C'est cette perdeur de passion exquise qui fait rougir un jeune homme devant sa belle-mère, la primeur d'amour enfin, profit ordinaire d'une femme passée fleur qui a ses 30 ans bien arrondis. Il entre dans cet amour pour un quart de tendresse filiale. Et puis je ne sais quelle ignorance et quelle faiblesse de l'homme, à son début d'aimer, le rend nécessiteux de conseils et de protection. Mais la grande raison, demandez-la au capricieux esprit de compensation, à l'indéfinissable et bizarre loi de nature qui fait que les extrêmes se marient, que les cheveux blonds épousent les cheveux bruns, que les grandes femmes s'approchent des petits hommes, que le vieillard aime surtout les boutons de rose, et que les deux électricités contraires s'attirent. D'après cette règle Franklin, c'était donc une beauté d'embonpoint qu'adorait le jeune et maigre Murillo. Je suis sûr qu'il respectait autant qu'il aimait. On l'appelait enfant, quand la voix était émue et tremblée d'amour. Cette femme, noble et riche castillane, avait perdu depuis longtemps sa jeunesse et son mari. Elle touchait déjà, passez-moi cette expression des champs, à son été de la Saint-Martin. Murillo l'avait vue dans ces instants où les femmes sont périlleuses à voir. Il l'avait vue la nuit dans un bal, toute attrayante de cette glu magique dont les femmes s'environnent au bal. Là, c'est vrai qu'elles s'embellissent les unes par les autres, c'est là qu'elles sont fortes, elles vous enlèvent un homme d'un coup de paupière. Et Murillo se prit, je ne sais comment, par un nœud de ruban, dans un pli de robe, par un geste, par une de ces émanations suaves qui s'échappent de leurs vêtements frôlés au fandango. Murillo vécut heureux pendant 8 mois entiers avec Doña Paquita, 8 mois de volupté, jetant à cette femme toutes les poésies qu'il tenait du ciel, dépensant à la fois tout ce feu qui brûlait dans son âme. Il n'eut que pour 8 mois de cet amour amassé pendant 20 ans. Il aimait aussi vite qu'il pouvait. « Doucement, jeune homme, doucement !» Paquita, sa maîtresse, sa belle et sage maîtresse, épargnée sur cette passion, trop violente pour être durable, elle l'aménageait. Elle lui faisait petite part à cet amour, comme à l'appétit suicide d'un affamé. Mais elle avait beau économiser pour l'avenir, elle avait beau lui couper l'amour à petits morceaux, le front diminuait tous les jours un peu, et déjà la barbe poussait à Murillo. Et Murillo s'émancipait déjà à regarder les femmes qui passent, et quand il se mettait à crayonner dans sa chambre, il était appelé 2 fois au moins avant d'entendre Paquita. Vainement, Paquita l'entoura de fêtes. L'amour, comme les plaisirs, ne pouvait plus suffire à ce cœur vaste. Il éprouvait comme un besoin vague et prédestiné d'une autre passion plus forte, plus intense, plus capable de combler le vide que rien ne remplit dans l'âme de l'artiste jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'art. Son seul amour à lui, sa seule passion, la seule grande et vraie, la seule à laquelle il se donne jour et nuit, tout entier, toujours, sacrifiant plaisir, fortune, tout, jusqu'aux femmes. Murillo n'en était pas encore venu là. L'artiste en lui n'était point révélé. Il ne se connaissait point encore, aimant cette femme au jour le jour, sans s'occuper de savoir quand et comment tout cela finirait. Mais Paquita tenait à son dernier amour, comme un roué de 40 ans tient ses derniers cheveux, comme un jeune poète à ses premiers vers. Elle lui encadrait en amour, elle s'y cramponnait de toutes ses forces. Elle revoulut ancrer là le cœur d'un homme à barbe encore follette, d'un poète, d'un peintre, que sais-je, moi, enfin le cœur le plus enclin à déserter. Aux fêtes, aux promenades publiques, dans les bals, dans les soupers, dans toutes ces occasions de plaisir nocturne, Elle le traînait avec elle et l'affichait. Ce jeune homme, elle en était fière, autant qu'un dandy de son cheval anglais. Femme de Madrid, regardait Murillo qui passe. Elle n'y touchait pas, il est à Paquita. C'est son bien, sa vie, son cher enfant, ne le volait pas. Hélas, la pauvre Paquita se donnait un jour une rivale plus dangereuse que les habitués du Prado. Ayant entendu vanter les portraits du plus fameux pinceau du temps, Don Juan de Castille, elle eut envie de se faire peindre par lui. Et le portrait dans un cadre d'or fut donné à l'amoureux Murillo comme un lien capable de resserrer la tendresse qui se lâchait déjà. À la vue de ce tableau délicieux, Murillo jeta un cri d'admiration ou d'amour. Il regarda longtemps cette toile animée, sans rien entendre, sans rien dire, pas même « elle vous ressemble ». Les yeux collés sur la toile, la bouche entrouverte, ébahi, stupide d'admiration. Il faut convenir aussi que Don Juan s'était surpassé. Les formes étaient finement modelées, les couleurs harmonieuses, un ensemble artistement rendu, la chair toute vivante, la robe toute étoffe, et puis de l'air. De l'air à respirer tout autour de cette tête si vraie, si animée, si vive. Murillo est amoureux. Laissez-le debout en silence devant tant de charme, la savourer des yeux. Cette créature nouvelle est révélée. « Bon, » dit Paquita, « mais voyez donc comme il m'aime. Ne la regardez pas tant, votre Paquita. N'est-ce pas qu'il est adorable, mon portrait ? Je suis bien ressemblante. Eh bien, remercie-moi donc, on a pensé à vous. Mais il ne remarquera pas ce beau cadre. » Et elle s'applaudissait tout bas d'avoir eu le courage de poser un jour entier. Que de bonheur, à présent, pour compenser un ennui de 24 heures. Ce portrait avait ravivé la flamme de Murillo. La cuillère avait remué le pont jusqu'au fond du bol. Murillo la regardait sur la toile comme il l'avait regardée au premier bal, avec les yeux fixes et dilatés par une singulière fascination. « Nous en sommes revenus au premier jour, » s'écriait-elle dans son ivresse. Et lui n'écoutait pas, ne répondait pas, ne regardait pas. Il était tout à la toile. Il allait et venait, toujours tourné en face de la toile, s'approchant, reculant sans la perdre de vue. Il la couvait d'un regard inamovible et fidèle, et la toile, à quelque distance qu'il fût, le suivait toujours, le regardait toujours, lui souriait toujours d'un sourire fin et doux, stéréotypé fraîchement sur des lèvres de rose. Puis, sortant tout à coup de sa longue stupeur, et s'adressant à Doña Paquita, il lui montra la toile et lui dit comme à un juge qui n'est point parti, « Cette femme est bien belle. » Paquita ne comprit pas, ou bien elle crut que Murillo n'avait pas voulu donner l'encens à la faire éternuer, qu'il lui avait tourné la louange à la troisième personne. Pour lui épargner le rouge que jette aux joues d'une femme, le compliment formulé effrontément à la seconde. Laissez croire tout ce qu'elle voudra, la pauvre femme. Laissez-la se composer à sa guise un bouquet d'illusions dont l'éclat et l'odeur passent vite, qu'elle verra jaunir et faner avant les grappes de lilas qui se baignent aux porcelaines du boudoir. Qu'elle les respire, ces illusions éphémères, qu'elle s'enivre tant qu'elle pourra de leurs odorantes émanations. Qu'elle les exprime jusqu'aux estes, qu'elle en pompe toute la volupté, qu'elle se hâte d'en finir avec son bien, le temps presse de jouir. Il ne lui restera dans ses mains bientôt plus que des feuilles sèches et pourries, qu'une vile écorce racornie et brûlée, demain fumier. Depuis le portrait de Paquita, Murillo n'aimait plus Paquita. C'est que nul âme ne peut avoir deux amours, et la toile de Jean de Castille était enfin sa vraie maîtresse. Comment vous raconter les fréquents rendez-vous ? Les longues entrevues durant le jour, les tête-à-tête de la nuit. Vous racontez tous les soupirs, propos d'amour, élan de cœur, ravissement inouï de ce zèle tout neuf. Vous dire ce qu'il y avait de violent et d'esclave dans ce sentiment soudain comme une révélation, inspiré tout à coup, un beau matin, par 3 pieds carrés de toile barbouillée. Comment vous dire ce qu'il prenait de précaution cet amant d'une espèce nouvelle, pour arriver à son idole. Ce qu'il dépensait de toilette et d'esprit pour la séduire. Vous dire enfin qu'il la saluait en entrant, et lui demandait à genoux la permission de rester près d'elle, de la contempler à son aise, en détail, longtemps. Elle voulait bien, elle ne refusait rien, ne s'opposait à rien. Elle lui cédait toujours sans plus jamais baisser la paupière, sans plus jamais rougir, même quand la main de Murillo touchait la sienne, qu'elle ne retirait pas. Un jour qu'il était plongé avant dans ses monologues d'amour, Paquita s'avisa d'entrer, l'importune, il la reçut comme on reçoit une mouche dans du lait. Paquita, la maîtresse, était fâcheuse autant qu'une mère intervenue au rendez-vous de deux amants. « Nous voilà trois, » dit-il avec un accent mêlé d'amertume et d'ennui. « Trois ?» reprit Paquita épouvantée. Cette fois, elle avait compris. Elle se sentait abandonnée et remplacée. Mais par qui ? Mais quelle était donc sa rivale ? Pourquoi Murillo ne quittait-il plus ce morceau de toile peinte ? Voilà ce qu'elle ne pouvait s'expliquer nettement. L'oubli pour elle avait augmenté en proportion directe de la foi pour le portrait. Ce culte assidu, opiniâtre, cette adoration de tous les jours à genoux et mains jointes, cette idolâtrie scrupuleusement fidèle, cette religion inviolable, tant de zèle invétéré, infatigable, à propos d'une maîtresse à l'huile. Et d'ailleurs, l'indifférence la plus entêtée pour sa maîtresse en chair et en os. Voilà le problème qu'elle ne pouvait résoudre. Sa tête confuse s'y perdait. Cela lui paraissait un caprice étrange, une démence inouïe, une folie qui n'a son épithète nulle part. Murillo était artiste. Elle n'en savait rien. Dans la dévotion si entière au divin portrait, il entrait bien un peu d'amour pour les traits délicieux de Paquita, malheureusement trop flattés par le peintre. C'était Paquita dans sa fleur. Mais la grande solution du problème, c'était l'art. Alors, tout le trop-plein de ce cœur qui se débordait comme il pouvait avec Paquita, et qui le jetait à d'autres comme un Paquita, toute cette poésie dépensée au vent, livrée à la première venue, toute cette flamme gaspillée, perdue partout, toute cette âme si riche et si pleine, éparse çà et là, répandue en chemin sur tout ce qui l'environnait, se concentra soudain au seul profit de l'art, force intime et cachée qu'il ne soupçonnait guère, sentiment profondément enfoui, comme la poudre qui dort dans un coin de la Sainte Barbe jusqu'à ce qu'elle éclate, révélée par une étincelle. Il se faisait dans la chambre un silence étourdissant. Paquita, triste et rêveuse, regardait Murillo. Murillo, fronçant une lèvre boudeuse, ne regardait rien. La rivale les regardait tous deux, sombres comme deux tempêtes. Elle souriait toujours. Ils passèrent bien des jours pareils à ce jour dans le silence le plus noir et le moins amoureux. Paquita, à son tour, restait de longues heures devant cette toile à interroger l'image, à l'examiner, tantôt en face, tantôt en dessous, comme pour lui surprendre le secret de magie qui fascinait Murillo. Elle l'apprenait par cœur, ce portrait. Elle avait compté toutes les boucles de cheveux, tous les nœuds de ruban, tous les plis de la robe, puis elle façonnait sa toilette à celle du portrait, ne négligeant pas les moindres détails. Même bracelet, même robe, même coiffure, même ajustement. Elle s'étudia à se faire portrait de son portrait. Elle était jalouse de son reflet, jalouse à sécher, à mourir devant l'image plus forte que la nature, jalouse à ne plus boire, ni manger, ni dormir. Hélas, plus elle s'efforçait de lui ressembler, et moins elle lui ressemblait. Elle s'en allait sensiblement, ses joues se creusaient, son teint se plombait, ses yeux se marbraient de noir, brûlés par les larmes et l'insomnie, et par cette tension continue de toutes les heures à se calquer sur son portrait avec la servitude d'un écolier qui mesure son exemple. Elle avait perdu la raison, la pauvre femme, si bonne et si belle et si fraîche, et si grassement heureuse, avant de connaître Murillo. Bourgeoise tranquille et sans passion dévorante, elle avait laissé là son mari mort, sans peine, comme elle l'avait pris sans plaisir. Son veuvage coulait mollement dans la sécurité d'esprit, dans le repos du corps, dans une béatitude complète. Fortune, beauté, crédit dans le monde, elle avait tout cela avant Murillo. Elle était de tous les plaisirs avant Murillo. Murillo l'avait tuée. Aujourd'hui, voyez-la, languissante et pâle à faire pitié. Cette veuve superbe et enviée par toutes les épouses de Madrid. Artiste, artiste, tu as commis là un grand crime. Tu as détruit un bonheur. Tu as fait mourir une femme de chagrin et d'amour. Cette femme, elle s'est brûlée, consumée tout entière à toi, comme le papillon à la flamme. Paquita se mourait de faim et de folie. Le cerveau exalté par le manque de nourriture, par cette jalousie sans vengeance et par cette rage concentrée qui s'alimentait davantage, ne pouvant tomber que sur un vain simulacre. « Encore si elle vivait » s'écriait-elle dans son désespoir, « si elle pouvait respirer un instant, si je pouvais la tenir dans mes deux mains, la faire souffrir, si elle pouvait sentir quand je la déchire, quand je lui crève les yeux, quand j'écorche sa joue. Mais tenez, elle rit toujours, de ce rire éternel, impassible et goguenard, qui me tue. Mais ne riez donc pas ainsi. » Puis, s'en prenant à l'élégance de la toilette, « Mais voyez, disait-elle, si cette robe fait un pli, il ne fait donc pas de vent ici pour déranger sa chevelure, et la mienne est en désordre, et ma robe est chiffonnée. Oh, dis-moi quelle couturière a fait ta robe ?» Et le porteur riait, toujours ce rire acharné, toujours ce silence insolent. Paquita ne savait comment éviter ce regard calme, immuable et railleur du portrait, ce regard persécuteur qui courait après elle dans tous les coins de la chambre. « Ah ! S'écria-t-elle, joyeuse à faire frémir. « Tu ne me regarderas plus !» Et elle creva les yeux du portrait d'un coup de fer à broder. « Tu ne riras plus !» Et elle lui déchira la bouche d'un autre coup. Alors que la toile crevée pendait en deux lambeaux, Paquita, sautant et battant des mains, criait fort dans la maison. « Je suis plus belle que Paquita. Venez voir tous, viens, Murillo, Murillo, Murillo !» Murillo accourut à ce bruit extraordinaire. « Qu'avez-vous fait, madame ?» dit-il en voyant tout son amour déchiré en deux. Il repoussa brusquement Paquita à la renverser, puis avec une attention délicate et passionnée, il se mit à rajuster pieusement les morceaux de sa maîtresse, et depuis, il reproduisit religieusement partout ce visage si précieux. C'en était fait de Paquita. Le meurtre de sa rivale avait épuisé le reste de ses forces. Mais elle eut, avant de mourir, la douleur de se voir exposée au musée de Madrid, belle comme elle l'était à 20 ans. Plus belle, peut-être, que la créature de Don Juan de Castille, et de commencer ainsi la réputation immense de Murillo le peintre de portraits. Félix Pillat.